Non. Akh Abdullah, inshallah, un petit rappel. Moi, j'ai terminé le dars, inshallah ta'ala. J'ai terminé le dars et non, j'ai terminé le dars et j'ai fait aujourd'hui le dars. Déjà, peut-être que vous avez remarqué, en étant un peu fatigué. Non, même je répondais aux questions en étant fatigué. Tafadhal, inshallah, Abdullah Kenz, tafadhal, hayakallah. Khoudallah, inshallah ta'ala, je t'entends. Comment je vais dire? C'est une occasion pour moi pour me reposer. Tfadl Abdullah. جزاكم الله خير شيخنا، إن شاء الله يجعل ما قدمت والله يا شيخنا جي غيان بريباري بارك الله فيك، مي كون جي فو لو موند لو نومبر دي فرار اي دي سور كي سون دون لو سالون تي دي مسلمون، اي ا لامور في الله اونتخ لي فرار. Il me fait rappeler, Cheikh Anabarakallah Fik, ainsi que les frères et sœurs qui sont dans le salon, un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith merveilleux, Ikhwan. Ahfadhouh, au moins essayez de l'apprendre ou bien de le connaître. Un hadith. Étant donné que nous, on est des gens de la masse, Ikhwan, on n'a pas assez de ilm, on n'a pas assez de savoir. On n'a pas assez de monnaie, d'argent. Parce que tout ça est un chemin vers le Jannah yawm al-qiyamah. Sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum min ahli al-Jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla nous a fait un autre chemin. À partir de la mahabba entre les... Il dit dans un hadith, « Inna min ibadillahi » La unas ma hum bi anbiya'i wa la shuhada. Nabi Shasumi dit que il y a des gens qui sont des esclaves d'Allah Azza wa Jal qui ne sont pas des prophètes ni des martyrs. Yarbituhum al-anbiya' wa shuhada'u yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Yarbituhum, c'est-à-dire c'est comme les prophètes. Et les martyrs sont jaloux d'eux. C'est-à-dire que c'est comme il veut être dans leur place. Pourquoi? De leur place, de leur place, yani devant Allah subhanahu wa ta'ala, bimakanati anillah, yani ils ont une place très proche en Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba comme d'habitude, c'est qui ces gens? Où les prophètes et les martyrs et les convoient, Zakallah Khair. Yani, les convoient. Les convoient, c'est ça, Cheikh, Zakallah Khair. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il nous parle de ces gens. Wa sallallahu alayhi wa sallam, de ces gens. Et ça ne demande pas de savoir, hein? Ça ne demande pas d'argent, ça demande que l'ikhlas et l'amour, la sincérité et l'amour, que fait Allah Azza wa Jal. قال هم قوم sont des gens تحابوا بروح الله pour Allah عز وجل على غير أرحام بينهم il n'y avait pas d'une même famille, c'est pas un cousin, un frère, des gens qui ne se connaissaient pas avant. ولا أموال يتعاطونها, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas un business entre eux. Et c'est s'aimer pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ce qui les a mis ensemble, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. Ils ne se sont pas mis ensemble, ou s'ils ne se sont pas aimés, c'est parce que, yani, ils avaient un business entre eux, des affaires entre eux, de l'argent, ou bien ils étaient de la même famille. Ces gens ne s'aimaient que pour Allah Azza wa Jal. Puis il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورِ. Yani, leur visage est comme une lumière, lumineux. نور. وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورِ. Leur visage est d'une lumière et ils sont sûrs d'une lumière. لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ. ils vont pas avoir peur quand les gens vont avoir peur. Parce que vous connaissez, que le jour du jugement, hein, le jour du jugement, les gens, il y a le père qui s'enfuit de sa femme, le frère de son frère, même la mère s'enfuit de son enfant à cause de tout le monde dit il prend soin de lui-même parce qu'ils savent qu'il y a que il y a le nar, le jahannam, l'enfer ou bien le paradis. Donc ces gens-là qui s'étaient mis entre eux pour Allah Azza wa Jal, ils ne vont pas avoir peur. Ils ne sont pas tristes, ils ne seront pas tristes quand il y aura des gens qui sont tristes. Puis, le Nabi Sassim a lié un verset où il dit Ala inna awliya Allah, Ala inna awliya Allahi, la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Ala alayhim, wa la yahzanun. Awliya d'Allah Azza wa Jal. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Yani, ils n'auront pas à avoir peur et wa la yahzanun, ils ne seront pas tristes au jour du jugement. Voilà, ikhwan, jazakum Allah khair. Un conseil à moi-même, au promis, et à mes frères et sœurs qui sont dans le salon, de ne pas oublier, barakallahu fikum, yani al-mahabba fillah. Il y a même un autre hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. Vous ne rentrez pas dans le paradis jusqu'à ce que vous allez croire. Hatta tu'minu. Hada haq. Personne ne va rentrer au paradis hatta yu'min billah. Hatta yu'min bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute sur ça. Puis il a dit وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّ تَحَابُوا. Vous n'allez pas croire jusqu'à où vous allez vous aimer. Bien sûr, c'est pour Allah Azza wa Jal. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ فَعَلْتُمُهُمْ تَحَابَبْتُمْ. Est-ce que vous voulez que je vous montre une chose? Si vous le ferez, c'est-à-dire le fait de dire salam entre les frères et sœurs. C'est-à-dire le premier pas, c'est le fait de dire salam alaykum. Salim ala man ta'if wa man la ta'if. Celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Par exemple, l'ayyadu billah et des sœurs. Si un frère qui passe, il ne dit pas salam, khalas. Lui dit, il ne dit pas salam, je ne vais pas lui dire salam. Là, ya khwan. Peut-être il ne t'a pas vu. Hein? Peut-être il t'a vu, il a voulu dire salam. Mais subhanallah, il pensait à autre chose. Il n'est pas su, sans se rendre compte. Ah, Ikhwan, peut-être il ne t'a pas vu du tout. Donc, il ne faut pas, Jazakum Allah khair. Même si l'ahsan al-nas ou ahsant, ou in asa ou ahsant, walakin qul in ahsan al-nas ou ahsant, ou in asa ou ahsant. Un musulman doit être comme un arbre. L'arbre, on jette des pierres. Et qu'est-ce qu'il donne l'arbre? Les fruits. C'est comme ça le musulman. Même s'il y a deux musulmans qui ne se parlent pas, et après le troisième jour, ils se rencontrent, et l'autre, il dit que le meilleur d'entre eux, et c'est lui qui commence par le salam. Le meilleur d'entre eux, c'est lui qui commence par le salam. Tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Ça ne va pas te rabaisser, au contraire, ça va t'élever vers Allah Azza wa Jal. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Salam alaykum. Il dit wa alaykum salam. Il ne va pas répondre. Je lui dis salam alaykum. Haqq al-muslim ala al-muslim, kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Haqq al-muslim ala al-muslim. Ida laqaytuhu, fasallim alayh. Haqq al-muslim. Le devoir du musulman, va à notre musulman, quand tu le rencontres, tu lui dis salam alaykum. Wa ida da'aka fa'ajib. S'il t'invite. Yani, t'acceptes son invitation. Bien sûr, c'est dans le halal. S'il t'invite. Dans une partie où il y a la musique, etc., tu ne vas pas. La ta'at li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Wa idha istansahaka fansah lahu. Dans les deux côtés, s'il a besoin d'un conseil, tu lui donnes un conseil. Et si tu donnes un conseil, tu l'acceptes. La khayra fi qawm, ou kama qala basun, la yatanasahoun wa la yaqbalun al-nasiha. Wa idha atasa fahmidh. Ha? Idha atasa. فاحمد، tu lui dis الحمد لله ارحمك الله فحمد او فشمت بيضاء فعد. Votre frère, quand il est malade, quand tu ne le vois pas dans la mosquée, quand tu ne la vois pas la soeur dans Paltok, c'est l'épave, et vous avez des contacts, vous appelez la soeur, vous appelez le frère. Ou bien il est dans Paltok, ou bien il n'est pas dans Paltok. Ce n'est pas parce que c'est virtuel, il n'y a pas de mahabba entre les frères et les soeurs. Jamais. Les soeurs entre eux, bien sûr, ils s'aiment. Il y a des contacts entre eux. C'est parce qu'on le fait pour Allah Azza wa Jal. Le vertueux, c'est pour nous, mais pour Allah Azza wa Jal, yani, tout compte. Tout compte. Même si on n'est pas entre nous. Il y a des frères que j'ai rencontrés à Paltok. Je suis vraiment ravi et je suis fier d'avoir fait leur connaissance. Et je l'aime pour Allah Azza wa Jal. S'ils sont malades, si on peut les voir, on les voit. On les a. يعني on suit sa janaza. هذه حقوق المسلم على المسلم. On demande d'après eux. Ici, يا إخواني بارك الله فيكم, on voit un frère ou une soeur qui était avec nous dans, par exemple, son salon, et maintenant on ne le voit plus. Il y a un frère qui vient, il te dit, oh là, on le voit dans un autre salon, il est en train d'écouter la musique, ou bien il ne pratique plus. On ne le délaisse pas, يا إخواني بارك الله فيكم, on ne le délaisse pas. On ne le délaisse pas. On l'appelle, on essaye de l'aider, on lui donne des nasa'ih. On soit patient envers lui. On essaye de faire de tout ce qu'on peut, ikhwan izakum Allah khair, pour qu'il ne va pas vers la débauche, ikhwan izakum Allah khair. Et c'est pas chaque fois, ikhwan, il y a un désaccord entre les frères. Khalas, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait, قال ولو كان في معنى كلام الشيخ تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يعني si chaque fois il y a un problème entre les musulmans, deux musulmans, ils font hijj, يتهاجران, يعني il lui parle pas, il lui parle plus, يعني on n'aura plus بارك الله فيكم, il n'y aura plus يعني l'amour entre les musulmans, ou il n'y aura plus يعني une relation entre les musulmans. Non, يا اخوان, الصبر, النبي صلى الله عليه وسلم ديزي المسلم الذي يخالط الناس كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذائهم خير من المسلم الذي لا يخالط ولا يصبر. Le musulman qui fréquente et qui est patient envers les gens est mieux que celui qui ne fréquente pas et qui n'est pas patient. Hein? Il y avait une histoire au temps de Salaf. Ils étaient des amis, subhanallah, inséparables. Et subhanallah, sha'allah, ahaduhuma zallat qadamay. À l'un des deux, son iman s'est rabaissé. Il est venu plus à la mosquée, il a pris un autre chemin que celui qu'il était avant. Les gens sont venus envers son ami, qui est toujours sur le bon chemin. Il a dit, pourquoi tu le délaisses pas? Khalas, il n'est plus dans le bon chemin. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Rahimahullah. Il n'a jamais besoin de moi, si besoin de moi, comme aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus sur le bon chemin. Ikhwan, si vous avez des frères, des amis, allez les chercher. Fi sabilillah, fi leur da'wa nasiha. Soyez patient avec eux. Même si ils ont des problèmes financiers, fais le feu pour Allah Azza wa Jal. Aidez-les si vous pouvez. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donnez de l'argent. Al-mu'allafat et quloubhum, même des kuffars, ceux qui étaient nouveaux dans l'islam, pour les rapprocher envers le din. Parce que des fois, il y a des gens que leur iman n'est pas à la hauteur. S'ils ont des problèmes, subhanallah, financiers, yani, ils ne sont pas. Ils ne sont pas comme les autres. Tu dis, quand tu vois des gens pareils, tu dis, Alhamdulillah, que je ne suis pas comme lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le délaisser. C'est ça, l'ukhuwa fillah. C'est ça, si on aura tout ça pour Allah Azza wa Jal, tu fais un service pour un frère, t'attends rien. T'attends rien, ikhwan. Tu vas pas faire un service pour un frère pour peut-être un jour il va te le rendre. Là, Là, tu le fais pour Allah Azzawajal. Tu le fais pour Allah Azzawajal. Et peut-être les meilleurs des services, tu le fais sans qu'ils se rendent compte. Subhanallah. Vous savez qu'un frère a besoin d'argent. Un frère qui ne travaille pas. Il est toujours avec vous à la mosquée. Tu mets de l'argent dans sa poche sans qu'il sache. Tu l'achètes des cadeaux entre vous, Yahwan. C'est ça. C'est pour se rapprocher. Barakallahu fikoum. Pour se rapprocher. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ansur akhaka zaliman ou mazlouma. Ça aussi une chose. Dans l'ukhuwa fillah. Comment, le Sahaba, dit comment, c'est-à-dire le fait d'aider nos frères, notre frère, même s'il est, même, il est reprécieux, c'est ça? Même s'il a tort. Hein, on doit l'aider même s'il a tort. C'est comme il avait dit, aidez votre frère même s'il a tort. Le Sahaba dit comment? S'il était repressé, on peut l'aider. Si quelqu'un veut lui faire mal, on peut l'aider. Là, on le sait. Mais comment, si c'est lui, il a tort. Hein? قال فرضده على عن ظلمه. Empêche-le de faire du mal aux gens. Empêche-le de ne pas être injuste envers les gens. Et c'est ça l'ukhuwa. C'est pas parce que l'ukhuwa qu'on voit maintenant, des frères, mais même si on les voit en train de faire des erreurs, on dit rien. On est un peu timide, ou bien on a peur. Si on le dit, ça va couper la relation qui existe entre nous. Ou bien, peut-être on a un business ensemble, et je ne veux pas lui parler pour ne pas avoir de problème. Non, ça c'est pas le roi billah, Yahwan. Ça c'est le roi pour le business. Le roi fillah, il faut lui donner la nasiha. Parce que lui-même, au jour du jugement, s'il voit que tu ne lui as pas donné la nasiha, il va te blâmer. Hein? Même lui, il va te blâmer. Tu lui donnes la nasiha. Ah, ma kana lillahi, dama wa tassal. Wa ma kana li ghayri lillahi, in qata'a wa infassal. Il sera pour deux bons inchallah jusqu'au jour du jugement. C'est pour ça le roi fillah, ça ne s'arrête pas dans cette vie. Hatta yawm al-qiyamah. On a donné le hadith. Hein? Allah Azza wa Jalla, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-mustaqim. Et jour du jugement, les amis, les inséparables, ils vont devenir des ennemis, Allahu Akbar. Sauf ceux qui avaient une fraternité, qui avaient une ukhwa fillah. Donc, si l'ukhwa, elle sera une haine entre ces gens. Elle sera une haine entre ces gens. Mais pour ceux qui l'ont fait pour Allah Azza wa Jal, hein? Elle sera nourun ala nour. Leur visage est fait du nour. Ils sont sur un nour, les convaincre, comme le Cheikh l'a dit. Yarbituhum. Hadihi l'ukhwa, ikhwani. Barakallah fikum. Lati yajib. Hada, yani, wajib, un devoir. Haqqun muslim ala muslim. C'est ça le devoir d'un musulman vers un autre musulman. D'une sœur vers une autre sœur. Hai, ikhwan. Hein? Là, il ne faut pas se. Allah Azza wa Jalla dit Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il n'y a pas un islam sans communauté. L'islam est fait avec des gens. Il n'est pas fait avec des mosquées du mur. L'islam. Qui fait l'islam? C'est les gens, ikhwan ibarakallah. C'est les musulmans. Donc tout ça, c'est un devoir envers nous, ikhwan et barakallahu fikoum. Tout ça est un devoir envers nous, barakallahu fikoum. Cheikh l'Islam, c'est l'ihdahum al-ukhra. Yani un croyant avec un autre croyant. Hein? C'est comme une main qui lave l'autre main. C'est ça la vraie fraternité, la vraie ukhuwa. وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. Et des fois, on ne peut pas enlever la saleté à moins que si on frotte avec une force. Mais tout ça, c'est pour le bien. Pour enlever la saleté. Donc des fois, Ikhwan, dans Al-Khouwa, on est tendre. Il faut être tendre envers les frères. Ma kana al-layn ou kama kana bashar fi shay illa zana. Il faut être tendre. Dans le verset, wa jadilhum billati hiya ahsan, il parle sur les gens les chrétiens, Ahl al-Kitab en général. Il dit qu'on, billati ahsan, quand tu polémiques avec eux, quand tu fais un jidal, tu dis un jidal billati. Avec tendresse. Qal, et ça, avec les chrétiens et les non-musulmans. Donc, Mimbabi Aula, avec les musulmans, c'est encore. On doit être plus tant qu'avec les koufars. Hein, Ikhwan? Et c'est ça l'islam. C'est ça le wala wal bara. Cheikh l'islam, donc, il donne l'exemple de deux frères, qui s'aiment pour Allah comme les deux mains. Elle n'a besoin d'une main pour enlever la saleté de l'autre main. Hakada. Le Nabi Sassoum disait dans le hadith, un musulman mir'atu akhi. Le musulman est la glace de l'autre musulman. C'est-à-dire, on voit notre réflexion, quand on voit nos amis, même les gens de Ahl al-Ilm, des fois, je regarde, Ikhwan, les gens qui sont sur une bid'ah, mais ils ne font pas voir leur bid'a aux gens. Ils disaient, « Man khafat anna bid'ata, lam takhfa anna ulfata. » Si sa bid'a, elle est cachée, son entourage n'est pas caché. Ils connaissent les gens de Al-Bid'a par leur entourage. La même chose. Vous êtes sur le din de votre ami intime. Si vous voulez voir dans quelle catégorie vous êtes, il faut juste voir les gens que tu traînes avec, les gens que tu circules avec, les gens que tu es avec. Donc c'est pour ça, il faut choisir les bons amis. Le Prophète me disait, matalul jalis sarih wa matal jasih. C'est quoi la bonne compagnie? La bonne compagnie, elle représente une personne pour celui qui vend du parfum. Il a dit, ou bien t'achètes de lui du parfum qui est quelque chose de bien, ou bien, tu es toujours dans le plus avec ce genre de gens. Tu es toujours dans le bénéfice. Hada, la bonne compagnie. Tu es toujours dans le plus. La mauvaise compagnie. Nafir al-Kif. Comment on appelle la Cheikh Tchalabi? Nafir al-Kif, le Haddad Hada. En français. Le frangin, je ne sais pas comment on l'appelle. Celui qui travaille avec le feu et l'acier, et comment on l'appelle, Ikhwan, jazakumullah khair? Celui qui connaît le hadith, barakallahu fikum. Al-Hasil, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la mauvaise compagnie est comme celui qui fait ça. Le jazakumullah khair, barakallahu fikum. Le forgeron, jazakumullah, le forgeron, jazakumullah khair, barakallahu fikum, forgeron. Donc, si tu te rapproches vers lui, qu'est-ce qui va t'arriver? Il va brûler tes vêtements. Donc, tes pardons. Et la moindre chose qui va t'arriver, tu vas sentir une odeur, une mauvaise odeur. Quelque chose qui brûle tout le temps. C'est ça la mauvaise compagnie. Donc, choisis la bonne compagnie, Akhwan. La bonne compagnie au Paltok. La bonne compagnie là où vous êtes. La bonne compagnie au boulot. La bonne compagnie tout le temps. Hakada Ikhwan. Hakada yakun al-insan al-mu'min. Hakada yakun al-insan al-muslim. Cheikhana barakallahu fik. Ana yani juste une nasiha au frère et au sœur, jazakumullah khair. l'amr iqtada. Tant qu'on parle du fait de choisir la bonne compagnie, les frères et les sœurs, jazakum Allah khair, qui mettent ou bien des sites ou bien des trucs dans le tableau pour dire éviter le salon X, le salon Y. Yani, ces frères, ils ne le font pas pour rien. Ils le font pour notre bien. Hein? Les frères qui sont dans le salon, ils ne sont pas des frères qui sont en train de faire un parti politique, l'ayyadu billah. Hein? Le frère Cheikh Zahabadah Allah, qu'Allah le préserve, Chalabi. Hein? Ou bien que pour que vous allez le lever et parler du bien de lui. Non, il vient ici pour faire apprendre, pour faire da'wah aux gens. Donc s'il vous dit de ne pas aller dans un salon, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Et des fois, les gens, malheureusement, comme le forgeron, ils ne savent pas jusqu'au point où seront, wal'iyadu billah, brûlés. Il rentre dans des salons et s'assoit avec ces gens. Peut-être des fois il rentre avec une bonne intention. Mais c'est pas chaque bonne intention qui aboutira à des bonnes œuvres. Yassimak Allah, il va te protéger, Allah subhanahu wa ta'ala, de ces gens. Mais enfin, vous allez perdre votre temps polémique avec eux et vous allez sortir avec des maux de tête, et eux, ils vont te détester plus, et eux, ils vont te faire perdre votre temps, et ton cœur, wal'ayadu billah, il deviendra, c'est pas moi qui le dis, comme une roche. Al yuqsi al-qalb. Mujadalat ahl al-bida' yuqsi al-qalb. Le fait de polychimie avec ce genre de gens, il fait de ton cœur de sorte qu'il devient comme une pierre, wal'ayadu billah. Il fait partir la lumière, le nom du visage. C'est pas bien. Ou bien vous allez tomber dans une ambiguïté, shubha. Allah subhanahu wa ta'ala, cette shubha va vous quitter. Comme Cheikh Albani, il dit, peut-être vous avez besoin d'un alim, un savant, pour qu'il t'enlève cette shubha. Ok, Yahwani, barakallahu fikum. Faites attention, zakumullah khair. Le fait de choisir la compagnie, la clique que vous traînez avec, ou bien au paltok, ou bien dans le monde réel, va refléter votre religion. C'est pas moi qui le dit, c'est le prophète qui le dit. Al-mar'u ala dini khalili. Vous êtes sur la religion de votre ami intime. C'est tout. On ne va pas trouver deux gens qui sont inséparables et vont dire celui-là il est mashallah, mais l'autre il n'est pas bien. Ça ne marche pas. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'ils sont exactement pareils, mais dans leur dîme, ils sont pareils. C'est-à-dire, plus ou moins dans la même région. Vous allez voir, vous avez vu, Juan, plus ou moins vous êtes dans la même région. Si il y a l'Adan et vous êtes avec un ami qui craint Allah Azza wa Jalla, il va dire Akhitaqillah. Aya, ta'al, on va à la mosquée. Il n'y a pas des amis qui disent, moi je t'attends ici, tu fais le salat et tu reviens. Ça ne marche pas, Yahwan et Barakallahu fikum. Ça ne marche pas comme ça, Barakallahu fikum. Ou bien l'autre il dit, j'ai une halaqa, d'ici 2 heures je reviens. En plus, la conversation qu'il y a entre ses frères, l'autre qui lui parle, il va lui parler sur Din, et l'autre va le quitter. Non, ça ne marche pas. كما يعني بروفاب ان عرب كي دي الطيور على اشكالها تقع. يعني كونت اون فوا لي زوازو اون فوا يعني لي كاناري انصومبل لي بيروكي انصومبل اون فوا با ان بيروكي كي سو ميلونج افيك ان كاناري كي فول انصومبل سون كومباني دي بيليكون انصومبل لي بيجون انصومبل. هكذا الناس النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جند مجنده ما اعترف منها تلف وما اختلف منها انتفر. النفوس سي كوم لي نارمي. Si cette armée, le faux hadi, les âmes du musulman se connaître entre eux, qui sont sur le même chemin, ils vont se réunir. Sinon, ils vont se repousser. Sinon, ils vont se repousser. Donc faites attention, Khani Barakallahu Fikum, à ce genre de choses. Al-Khouwa Fillah, c'est notre chemin vers le paradis. Il y a notre hadith. Il y a plusieurs hadiths. Moi, j'ai pas préparé, Yahwan Izakum Allah Khair. Cheikh Hafidhahu Allah wa ra'ah, il m'a demandé pour qu'il prenne un petit break. Et je voulais vous parler sur ça. Mais il y a un autre hadith que je viens de me rappeler. Sab'atun yadhilluhum Allah, ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sept. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les protéger avec un nombre. C'est ça? Les gens, imam, adil, etc. Il dit, à la fin, il dit deux gens, deux frères, qui se sont aimés pour Allah et se sont. يعني على فا يعني سيباري بور الله الجور دو جوجمون الله سبحانه وتعالى فالي بروتيجي اي فا يعني سور سو سون امبر او لورا كو سون امبر او جور دو جوجمون اون ريغارد لا ريكومبونس جوست لو فات ديمي ان فرا بور الله عز وجل. Il y a plusieurs hadiths. Le Prophète dit Wallahu fi auni l'abd, madame l'abd fi auni akhi. Allah va vous aider tant que vous aidez votre frère. Même dans le dua, si je dis le ghaib sans que le frère sache, hein, je commence à faire le dua pour le Cheikh Mohamed Chalabi sans qu'il le sache. Regarde la mesure que Allah a dit. Si Allah va accepter ce dua, il va envoyer un ange qui dit Wala kabitla. Et tu auras la même chose. Même dans le dua, il n'y a que le plus. Le dua est l'ibada. Le Nabi Shah Mahal, le dua est un acte d'adoration. Donc quand tu fais le dua, même si Allah ne va pas te répondre, tu seras récompensé parce que c'est un acte d'adoration. Et peut-être il va te répondre directement, ou bien après, ou bien il va te laisser tout. Les doigts qui n'hésitent pas à répondre dans cette vie, au jour du jugement. Et si tu réponds dans cette vie, demander pour ton frère. D'une part, c'est facile. Hey, Ikhwan, c'est facile. D'une part, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'être un alim pour que des gens s'aiment pour Allah Azza wa Jal. Et que pour Allah Azza wa Jal. Hey, Ikhwan, ça. T'as pas à avoir de l'argent pour le faire, même le temps, même si tu peux pas le voir, alhamdulillah, à la ni'mat, par exemple le téléphone maintenant, même le fait de l'appeler, vous serez récompensé. Il n'y a rien, 5 minutes, 5 minutes, tu prends le téléphone, le mobile, quoi, comme vous voulez, vous l'appelez juste pour dire, et pour savoir de ses nouvelles. Et tu le fais pour Allah Azza wa Jalla. Allah Yahwan, Khair Azim. Quand tu visites un frère qui est malade, 70, c'est ça le hadith? Un ange qui te suit, qui font le dua pour toi. Donc tu le fais pour le frère, c'est vrai. Et ça va renforcer l'amour pour Allah Azza entre vous, mais en fin de compte, tu le fais pour toi-même. Tu seras récompensé au jour du jugement. Tu seras récompensé au jour du jugement, ikhwani barakallahu fikoum. C'est pour ça, les musulmans, yani, quand vous allez dans des pays musulmans, même la façon, et ça, subhanallah, yani, fi haddi dati, c'est un miracle. Dans les musulmans, pas, par exemple, vous allez dans un pays de kufr, ils sont un peu froids. Ah, ikhwan, ils sont un peu froids. Et puis, les musulmans, au temps du bonheur, subhanallah, les gens qui passaient, qui disaient salam alaikum à tous les gens, même s'ils ne les connaissent pas, mur qui existe entre les gens. Assalamu alaikum. Ismoul min asma Allah. Assalamu alaikum. La paix, que la paix soit sur vous. C'est-à-dire, ça veut dire, quand je dis salam alaikum, je ne veux pas mentir sur toi. Hein? Je ne veux pas mentir sur toi. Je ne veux pas te faire de mal, etc. Tu viens avec une paix. Hein? Un musulman n'a pas besoin d'être saoul ou bien prendre de la drogue pour entamer une conversation avec un autre musulman. Vous trouvez des musulmans, subhanallah, qui ne se connaissent même pas, ils ne se sont jamais vus, s'ils sont sur le même dîn, le même manhaj, ils peuvent parler pour, subhanallah, pour 24 heures sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le dîn qui le rassemble. Parce que, yani, hablullah est plus grand que n'importe quelle drogue, wal'ayyadu billah, que, yani, grande et une chose plus solide que Habl Allah Azza wa Jal. Asha subhanahu wa ta'ala amma yasifun. C'est pour ça que la mahabba fillah, elle ne se termine pas dans cette vie. Hein? Même après cette vie, yani, le jour du jugement, toute fraternité, toute relation qui existait entre les gens, si elle n'est pas pour Allah Azza wa Jal, elle deviendra une haine entre eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Elle deviendra une haine entre eux. Fa ikhwani, barakallahu fikum. Akhlisu niyyatikum. Soyez sincères avec Allah Azza wa Jal. Soyez sincères. Faites des choses que pour Allah Azza wa Jal. Même si des fois, ça veut dire qu'on va perdre des choses de la dunya. Mais sachez bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka shay'un lillahi awwadahu khayr » ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah va lui remplacer par une chose meilleure dans cette vie et yawm al-qiyamah. Si vous voyez une chose d'un frère qui contradit l'islam, tu lui fais une nasiha. Soyez pas timide. Si tu lui fais pas une nasiha, ça ne veut pas dire la relation qui existe entre toi et lui, hein, elle n'est pas pour Allah Azza wa Jalla. Tu n'as pas besoin de ce genre de relation. Mais tu la fais entre lui, toi et lui. Une nasiha amam al-mala ou fadiha. Si tu le fais devant les gens, c'est pas bien. Tu le prends, tu lui parles doucement, hein, Yahwan, et tu essaies de ton mieux, yani de rendre cette nasiha vraiment tendre et facile, hein, avec tout ce que tu peux, hein, Yahwan, et barakallah fikoum. Mais, si vous aimez ce frère pour Allah, ne laisse pas ce frère sur le mauvais chemin. Choisissez votre compagnie bien, ikhwanizakum Allah khair. Choisissez les frères et les sœurs que vous fréquentez bien. Parce que ce sont la réflexion de votre dîn. Ça ne veut pas dire. Moi, je dis pas. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de dawa aux gens, de la masse. Même les gens qui font pas la salade, même les kuffars, tu peux leur parler. Wala tusahib illa taqiyya. Hein, ne prends comme un ami qu'une personne pieuse. Essaye toujours de prendre quelqu'un qui est mieux que toi, que tu vas apprendre de lui. Quelqu'un, quand tu oublies, il te rappelle. Quelqu'un qui veut du bien pour toi, quelqu'un qui te dit toujours des choses qui sont utiles de cette, dans cette vie, et yom al-qiyama. Mais j'aime pas les gens où je veux pas un frère qui soit avec moi juste parce que il y a une pour rigoler, comme on voit des gens ici à Paltok. Hein? Et des gens qui rigolent, subhanallah. Et des fois, ils peuvent même pas dire à son ami parce qu'il veut, il veut pas perdre ce genre de relation. Allah n'a pas besoin de ce genre de relation. Toi, tu n'as pas besoin de ce genre de relation. Accepte, c'est la relation qui est basée sur le tawhid, qui est basée sur l'islam. Hein, Khwan? فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من المتحبين فيه وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال. وشيخ محمد بارك الله فيك, أنت معنا؟ خارج الشيخ اللي صحتي. Je ne le vois plus. Hein. C'est le temps pour Salat al-Isha chez nous. Je vais faire l'Isha, Inch'Allah. Barakallah fikum. A'anakum Allah. Wa sallaha an yarzuqna wa iyyakum al-ikhlas. J'insiste sur la sincérité. Parce que si on n'a pas la sincérité, on n'a rien. Si tout ce qu'on fait n'est pas basé sur une sincérité vers Allah Azza wa Jal, ah, on n'aura rien, Ikhwan. On n'aura rien, Wallah, Ikhwan. Et c'est pas facile, cette sincérité. Et c'est pas facile. Et je sais bien, Ikhwan, qu'il y a des frères et des sœurs ici qui sont des fois mieux que moi. Wallah, je le sais, je le dis. Dans tous les domaines, dans l'ilm, dans le comportement, mais ils préfèrent de ne pas parler. Mais, chers à Allah, khair, ils pensent du bien de nous. Au moins, yani, nous, on parle, au moins, yani, un peu plus âgé que vous, prends ça comme une expérience plus qu'autre chose, que il y a une nasiha, pas un dars. Parce que moi, je suis pas apte pour ce genre de choses. Ikhwan, jazakum Allah khair. Cheikh Mohamed Chalabi, habidallah, talib ilm, connu. Hein, Ikhwan, restez avec lui, jazakum Allah khair. Restez avec lui. Il, yani, comme vous le voyez, yani, il laisse sa famille, subhanallah, maintenant, il est minuit, c'est ça, en France. Il est quoi maintenant, 2h, 3h du matin, il est avec nous. Pourquoi? C'est pour Allah Azza wa Jal. Hein? Donc, et la dernière fois, j'ai vu un salon, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai vu un salon, un room, qui a été ouvert. Et je ne veux même pas répéter le nom du salon. Hein, Talib Ilm, tu vois de quoi je parle? Un salon qui a insulté Cheikh Mohamed Chalabi. Hein, c'est vrai? أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفضح هؤلاء الرجال. لكن ce qui m'a touché d'une part, c'est le fait d'insulter sa mère, حفظها الله ورعاها وحفظ الله شيخنا. والله s'il a insulté ma mère, j'aurais dû pas يعني réagir comme j'ai réagi maintenant. Mais ça m'a fait un peu de... Lakin, ya ikhwani, c'est ça le chemin de l'anbiya'i wal-mursalin et des du'at. Le chemin vers al-haq, le chemin vers le paradis est plein de ce genre de choses. Hadan Nabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui jetaient de la pierre, des pierres sur lui, hein, qui l'insultaient, hein, tout le temps. C'est comme ça, c'est pour ça, même Sahaba ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant, les gens qui insultent les Sahaba. Donc, soyez pas étonnés de voir ce genre de gens. Et ça me fait rappeler le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, La'ana Allah man la'ana walidayh. يعني الله مودي celui qui maudit ses parents. الصحابي disait qu'il y a une personne qui maudit ses parents. Il a dit, oui, il a dit, s'il maudit les parents des autres, c'est comme il a maudit ses parents. Donc toute personne qui a insulté les parents de Cheikh Mohamed Chalabi, hafidhahum Allah wa ra'ahum, en vraie vérité, si cette personne est une musulmane, elle insulte quoi? Elle insulte sa mère, elle insulte ses parents. Elle n'a pas insulté les parents de Cheikh, mais elle insulte ses parents, ses propres parents. En plus, pour me dire, les gens de l'Haq, hein, Ikhwan, les gens de l'Haq qui sont sur la bonne voie, quand ils répondent, quand ils refutent les gens, ils disent pas ce que ces gens disent, ils n'ont rien à voir avec. C'est injuste. Pourquoi on insulte? Pourquoi on insulte une mère d'un chiite? Nous, on ne sait même pas si elle est chiïa ou elle est sunnia. Ou une mère de quelqu'un qui n'est pas sur la bonne voie. Pourquoi on insulte sa mère? D'une mère d'un kafir, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Alors imaginez-vous une mère d'un frère qui dit Rabbi Allah, d'un cheikh qui dit Rabbi Allah. Ils n'ont pas aimé le cheikh parce qu'il parle du tawhid. Parce que le cheikh, hafidhahullah, il parle de l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jamaa. Eux, ils n'aiment pas ça. Eux, l'ahbash, ce qu'ils veulent, ils veulent être comme, wal'ayyadu billah, comme les zombies. Hein? Vous connaissez les zombies, ikhwan? Il y a un musulman, il y a un être humain dans ce monde qui croit à cette croyance que les morts sortent de leur tombe pour régler les affaires des gens qui l'ont invoqué. Aïb. C'est ça, Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Si on demande aux frères et sœurs qui sont dans le salon, qu'ils étaient chrétiens, pourquoi ils sont devenus musulmans, ils vont dire le tawhid. C'est le tawhid qui nous a ramenés vers l'islam. C'est quoi la différence entre un qobouri qui va vers les tombes et qui demande aux morts de les aider et un chrétien qui demande à Isa alayhi salam de les aider? Il n'y a pas de différence. Dans cet exemple, il n'y a pas de différence. Même ceux qui adoraient les idoles, les statues, Allah disait sur eux qu'ils les adorent pour que ces idoles les rapprochent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam. Pour qu'on dise que quelqu'un est Cheikh l'Islam, il faut que tous les domaines de din, yani hadith, usul, tafsir, la langue, il doit être un savant dans tous les branches, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et si c'est pas s'échapper de leur insulte, Cheikh l'Islam. Pour eux, c'est un mécréant. Et jusqu'à maintenant, quand vous allez dans leur site, vous allez voir qu'ils sont des mots. Samuel l'a dit, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est dans ce livre, il parlait d'une troisième personne. Ce qui veut dire que ces gens ne sont même pas sincères avec soi-même. Moi, quand je veux réfuter, Ibn al-Arabi, Kaffaro. Il y a deux Ibn al-Arabi, hein? Ibn al-Arabi. Chauffe. Non. Ibn al-Qayyim. Ibn al-Arabi. Bil alif ul-lam. Hada sunni. Maliki. Ibn al-Arabi. Comment tu l'as écrit? Hada c'est un alim. Non. Hada c'est un alim sunni. Ibn Arabi, sans le alif lam. Ibn Hakana. Ibn Arabi, Hada ou al-Qubouri. Je crains sur l'enfer et elle va s'éteindre. Celui qui dit, je vois que moi et Allah, je vois que Allah, dans ma robe, qui veut dire que celui qui est Allah. Et Andul Wahdat al-Wujud, tout est Allah et Allah est tout. Ah, c'est ça Ibn Arabi. Il est arrivé au point, il ne faisait plus la salat pour lui, et Ani Khalas. Hadha ils l'ont tué, lui, le Bastan et tout, tous ces gens. Hadha Ibn Arabi, c'est lui que ces gens suivent. Mais Ibn al-Arabi, Hadha, c'est un savant maliki de Ahl al-Sunnah et al-Jama'ah. Juste pour faire la différence. Donc, il dit des mensonges sur Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Albani, hein? Cheikh Ibn Baz. Vous allez penser qu'ils ne vont pas dire des mensonges sur moi. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à insulter? C'est comme ça qu'Al-Ain disait. Il disait, et quand ils tirent sur nous, ils commencent à nous insulter. Vous voyez jamais, hein, qui commence à réfuter Ibn Arabi ou bien l'Ahbash, il commence à insulter la mère de Abdullah al-Harari, qui est le leader de l'Ahbash. Ou bien, il commence à les insulter personnellement. Ça nous aide à quoi? À rien. On parle du dîn. Ta mère m'a rien fait. Peut-être ta mère, elle est plus pieuse que moi et toi. Pourquoi je suis ta mère? Même si elle n'est pas pieuse, pourquoi je l'insulte? المسلم ليس بالسباب ولا اللعان المسلمون ني با كان كي مودي و كي انسول هكذا المسلم من سلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يديه و لسانه لي جون سون يعني سلموا يعني سون سان دو سا مان دو سا لون مي سي او باسكو ils ont rien à donner à cette Oumma, il commence à dans le cas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans le cas des autres ulama. Nous on dit ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Nous on dit ce que Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a dit sur lui-même. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Si Allah dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, nous on dit que Allah est sur le trône. On ne dit pas comment. Et on nous dit, il est sur le tronc, khalas, c'est Allah qui le dit. Sinon, ça sert à quoi? Qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il est sur le tronc. Khalas, on le dit. On ne sait pas comment. On prend ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit. Comme Ahl al-Ilm, Ahl al-Sunnah et al-Jama'ah disaient, s'ils pensent que chaque fois Allah Azza wa Jal, mais il ne veut pas dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire quand il dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa ou bien A'amantu min fi as-sama', il veut dire autre chose. Dan il dit Ahl al-'ilm disait c'est comme Allah Azza wa Jal, au lieu d'essayer de nous aider de le connaître, il essaye de nous faire éloigner de sa connaissance. Et cette religion, ce din, n'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire Allah il dit au shaitan, Iblis, pourquoi tu ne prospères pas, fais pas sujoud à ce que j'ai fait avec ma main, à ce que je crie avec mes mains. Et que maintenant ça veut dire main, la main, on dit la main, Allah il lui dit la main. Khalas intaha. Pas un sahabi, il n'y a pas un savant de Ahl al-Sunnah Jumra qui a dit le contraire. Ya Ikhwan, il n'y a pas. Il y a un ijma' sur ce genre de choses. Khalas. La classe. L'affaire est classée. Comment. Un homme qui s'appelle Abdullah al-Harari, hein, qui vient avec cette croyance, qui contredit la croyance de Ahl al-Sunnah Jumra, et qui se dit qu'il est de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et qui commence à insulter les gens. Yani avant, si Ahbash, on n'avait pas de religion. Une des signes des gens de Haq, c'est la continuité. Que l'Ahbash, sans voir leurs croyances qui ne sont pas sur le Haq. Pourquoi? Parce que leur leader, leur gourou, Ah, il a commencé des années 30-40. Alors, un des signes, un des attributs de Taïf al-Mansoura, c'est qu'elle a une continuité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. La même chose, on le dit pour l'Ikhwan, un groupe qui a été créé par Al-Banna. Al-Ahbash, un groupe qui a été créé par Abdullah al-Harari. Al-Tablir, Al-Rais. Ça. Ils n'ont pas un leader. L'un d'autres leaders, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sans voir leurs croyances aussi qui ne sont pas sur la bombe. Il y avait, c'est une histoire véridique, un savant sunni qui est venu faire un débat. Mais lui, il est venu avec autre chose, avec les chiites. C'était en Iran. Et quand il est rentré dans la salle, il a pris ses souliers, et il a gardé ses souliers avec lui. Vous me suivez, Inch'Allah. Les savants chiites disaient à ce savant sunni, qui dit, vous avez gardé votre soulier avec toi? Et personne ne va voler votre soulier. Le qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiites volaient les souliers. Allez, c'est vrai, Erwan. Allez, j'ai entendu qu'au temps du prophète, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiites, ils volaient les souliers. Les savants chiites, ils disaient, ah, vous êtes un ignorant. Et pourquoi? Il dit, au temps de prophète, il n'y avait pas de chiites. Hein? Il dit, au temps de prophète, il n'y avait pas de chiites. Et le alim sunni dit, Alhamdulillah, tu l'as dit. S'il n'y avait pas de chiites au temps de prophète, pourquoi ils sont maintenant? Normalement, s'ils n'étaient pas, ils ne sont pas. Il dit, khalas, il n'y a rien à se débattre. Donc, si vous n'existez pas au temps de prophète, votre croyance n'existait pas, vous n'existez pas au temps de prophète, pourquoi vous existez? Maintenant. Comme l'imam Malik l'a dit, ma lam yakun anadaka dinan, falan yakun yawma din. Tout ce qui n'était pas. Hada l'a dit, ce que je voulais vous dire, une continuité du minhaj qui te relie, comme le Nabi Sassam a dit, ma ana alayhi wa ashabi. Ce que je serai sûr, ainsi que mes compagnons. Tout groupe qui ne se base pas sur ça est un groupe. Donc, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés de tout ça. Lakin, da'iya, celui qui fait da'wa pour Allah Azza wa Jal, doit toujours être patient. Doit toujours être patient. Hein? Doit toujours être patient. Parce qu'il y aura toujours des ennemis. Et les ennemis qui sont dans l'islam sont pires que les ennemis des kuffars. Et c'est pas moi qui le dis. Comment tu dis ça? C'est pas moi. Je vous donne un exemple. Le Nabi Shasim, quand il a parlé de Khawarij, il a dit Sharru al-Khalq wal-Khaliqa. Les pires des gens, comme Al-Khawarij. L'imam al-Ajuri, fi kitab al-Sharia, il a répondu sur ça. Il dit les gens, il disait comment ça? Alors que, il y a deux paroles sur Al-Khawarij. Une parole qui dit qu'ils sont des koufars, une parole qui dit qu'ils ne sont pas des koufars. Et la parole, Inch'Allah, plus authentique, ils sont pas des koufars. Mais ici, ils sont pas des koufars. Comment ils peuvent être pires que les koufars? Il dit, oui, dans cette vie, ils font plus de dégâts que les koufars. Ils sont pires que les koufars. Alors, c'est vrai. Et même Ahmed, rahimahullah, il a dit, il nous a posé une question, il dit, si l'ennemi kafir d'origine vient du côté de l'Est, et les khawarij viennent de l'Ouest, on commence avec par qui? Il dit, par les khawarij. Ah, va les voir, Ikhwani. Donc, les ennemis qui sont yani, dont la nation, dont la Ummah, sont pires. Shoukani, rahimallah, il a écrit un livre sur ça. Il a dit quand les koufars, les chrétiens, les juifs, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas détruire l'islam, ils savaient que l'islam est protégé, comme Allah il le dit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun. Ils ne pouvaient pas détruire l'islam avec l'épée. Ils le savaient, parce qu'Allah l'a protégé. Ils se sont tournés vers ces gens, les gens de l'innovation. C'est pour ça, chaque innovation qui est dans l'islam, son origine est du kuffar. Ramène n'importe quelle innovation. Et vous allez voir que c'est une innovation du kuffar. Al-Mawlid al-Nabawi, un exemple. Comme les chrétiens font maintenant la Noël. Il y a même des gens qui égorgent la dinde au premier Muharram, qui est comme le nouvel an pour les. Ils égorgent la dinde comme les koufars égorgent la dinde, ou l'ayyadu billah. Nassal Allah al-Afiya. C'est comme un innovateur, c'est comme il dit que la même des choses que l'innovateur dit, c'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khan al-Risala n'a pas rempli le message, il n'a pas accompli le message. C'est pour ça, ces innovateurs, d'après eux, ils ont besoin d'inventer des autres actes d'adoration pour se rapprocher vers Allah Azza wa Jalla. Abadan. Chaque innovation, chaque innovation veut dire une distraction d'une sunnah. Il y a une innovation qui veut dire une sunnah, il est mort pour eux. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah hajab al-bid'a ou hajab al-tawba al-mubtadi'a. Allah a caché la tawba, la répétence, sur un innovateur. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est sur le haq. C'est pour ça qu'on voit ces gens des ahbash, des khawarij, des rawafid. Ils pensent qu'ils sont sur le haq. Et toujours dans le même domaine. Khawarij, les gouverneurs, khawarij, les hukam. Kuffar, toujours la même chose, toujours la même conversation avec eux. Shia, ils insultent les Sahaba. Shia, ils parlent du mal des femmes du Prophète. Shia, ils adorent Ahl al-Bayt ya Rasulillah. C'est ça leur religion. Les Soufis, l'Ahbash, pareil. C'est comme une personne qui est morte entre les mains de celui qui le lave. Hakala. C'est ça ce qu'ils veulent ces gourous des sophies, des sophias. C'est pour ça qu'ils disaient que chaque sophie doit avoir une tariqa. C'est comme tariqa de Nabi Sassim, n'est plus valide. Il faut avoir une tariqa. Une religion qui est basée sur un soufi, au bourri, il atteint au sommet où la salade ne deviendra plus un devoir pour lui. MashaAllah, tabarakallah. Il y a des gens qui viennent et les défendent. Il y a des gens qui viennent et qui insultent les gens de Al-Sunnah ou le Jama'a et qui défendent ce genre de croyance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadullah, ya akhwan. Ahmadullah annakum ala sunnah. Chaque jour, chaque nuit, tu dis Alhamdulillah alladhi hadaytani li hadha. Wa ma kuntu li ahtadi illa la hadaytani ya Allah. Da'im ad'u Allah. Ahmadullah ala al-hidayah wa ad'uhu an yahdikum. Toujours, ou en yathabitakum ala al-haq. Wallahi, entum fi ni'ma mahsoudina fiha. Les gens seront jaloux dans cette vie et l'autre vie. Vous savez que vous êtes sur le haq, inshallah. Vous savez, tout ce que vous appris ici, c'est le haq. C'est qu'à Allah, qu'à le Rasoul, d'après la compréhension du salaf, d'après la compréhension du ulama. Khalas, la classe est finie. N'a pas besoin d'adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le prophète. Et regarde, Ikhwan, ces gens, ils sont ignorants au point où, moi je vous demande des choses, si le fait d'invoquer une autre personne que Allah Azza wa Jalla était permis, Ikhwan, s'il est permis d'invoquer une mort, n'est-ce pas, Ikhwan? Le mieux, c'est d'invoquer quelqu'un qui est plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui est le meilleur des meilleurs, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Ikhwan, ça. On sait que c'est haram. Mais si c'est halal, si c'est yajouz, pourquoi j'invoque les autres gens comme Ahl al-Bayt ya Rasulillah, Ali ou Fatima ou Hussein alors que je peux invoquer directement Mohammed. Pourquoi j'invite Abdel Qadir Jilari alors que je peux invoquer Mohammed? Juste pour vous dire une chose, que ces gens, même eux-mêmes, ils sachent qu'ils sont sur une mauvaise voie, leur gourou. Ils ne se contentent pas par invoquer le prophète pour dire leur attention elle est bonne. Non, ils invoquent les autres pour dire que eux, ils veulent juste invoquer les autres. En vraie vérité, ils n'invoquent pas ces chiours, ils n'invoquent pas ces gens pieux, mais ils invoquent, comme Allah dit au Yom al-Qiyama, ils invoquent les djinns. Ils invoquent les djinns. Au Yom al-Qiyama, les djinns yakfar bihim. Les djinns vont les rejeter. Juste pour vous dire, juste une petite chose, pour voir que ces gens sont pas sur le haq. Parce que même s'ils étaient sur le haq, au moins ils disent, moi j'invoque le prophète, qui est la personne la plus proche d'Allah, la plus pieuse. Pourquoi je délaisse le meilleur pour quelqu'un qui est moins que lui, hein? C'est vrai, vous avez compris ce que je vous dirais, pour voir que ces gens-là, si vous allez dans leur tombe, hein, il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens qui écrivent même des lettres aux morts, il y a des gens qui donnent de la nourriture. C'est comme les chrétiens, c'est comme les juifs, c'est comme les koufars, c'est comme les bouddhistes. Alors que l'islam, quand il est venu, il y a une fameuse parole d'un grand sahabi, quand il est parti à Abyssinie, al-Habasha, il dit, l'islam est venu قال جاء الإسلام ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عادات الإسلام. L'islam est venu pour faire sortir les gens de l'adoration des autres gens vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, et de l'injustice des autres religions vers la justice du din l'islam. Barakallahu fikum wa zakum Allah khair wa ma'dira 'an al-itala. Je m'excuse ikhwani, zakum Allah khair wa sallaha أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن أصبنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا إخوان، يعني يا بان انترميديير، نو كوني لو شيخ، il est là, il est entre nous. C'est le cheikh qui te dit s'il connaît cette personne. Ah, Yahwan, c'est le cheikh qui te dit qu'il connaît le frère Ibn al-Qayyim. Allah, c'est une tasquille de cheikh. Nous, on fait confiance à cheikh. La base. Si le cheikh ne dit rien, nous, yani, une nouvelle d'une personne qui est majhoul, qui n'est pas connue, ça ne veut pas dire qu'il est un menteur, mais on n'apprend pas. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui le dit. قال فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية فتثبتوا. أهل العلم زي قال أن تصيبوا قوم بجهالة، يعني يدي كخبر الفاسق البرفار une nouvelle d'un pervers on doit la vérifier. Une nouvelle d'une personne inconnue, on doit aussi la vérifier. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein? Vous avez compris, Ikhwan et Barakallahu fikoum. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Sirin? Cette science est une religion. Il faut faire attention de qui prendre cette religion. Et tazkiya wajiba. Il dit, oh, عندك tazkiya. Il se moque de nous. Dans un autre salon, je l'ai écouté des fois. Je dis, subhanallah rabbi al-azim. Al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-kari. L'imam Malik, rahimahullah, il disait que si je n'avais pas une tazkiya, une reconnaissance de 70 ulama, j'aurais dit jamais eu donner une fatwa. Hala l'imam Malik. L'imam al-Suyuti, il y a une cassette du Cheikh al-Albani, rahimahullah, vous trouvez même ça, donc c'est la sahiha, quand il parle de tazkiya. Il y a dit, une personne une personne qui n'est pas connue, c'est-à-dire une personne inconnue, on ne prend pas du sabbat d'elle. Parce qu'elle est inconnue, elle reste sur yani l'état de Majhoula. Le Majhoula ne prend pas de ilm, n'est pas un savant. Une personne inconnue ne doit jamais être un savant. Ça ne veut pas dire que le frère est un menteur, abadan. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est inconnu, il ne ramène pas la vérité. Non. Même le kafir, il te ramène la vérité. Même le shaitan. Le hadith de Abu Huraira. Le shaitan, il a appris à Abu Huraira quoi? De lire surat Ish, de lire Ayat al-Kursi. Nabi Samir est venu dit, Sadaqaka wa huwa kadoub. Il t'a dit la vérité, mais c'est un menteur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quand les chrétiens, les juifs, venus parlent d'Allah Azza wa Jal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, des fois, ils souriaient, comme un signe de reconnaissance que c'est vrai ce qu'ils disent. Ils ont le haq dans cette chose. Mais on ne dit pas aux gens, va apprendre de Ahl al-Kitab. Même s'ils ont un peu de haq. Les chiites, ils ont un peu de haq. Même les ihbash, peut-être ils trouvent un peu de haq avec eux. Mais on ne va pas dire de prendre tout, ou bien prendre. Parce qu'on ne sait pas où les haq pour les gens qui sont des gens de la masse, on dit ne prends pas de ces gens. Parce qu'en général, ils ne sont pas sur le haq. Et alhamdulillah, wa kafa Allah al-mu'minin al-qital, on prend de ceux qui sont sur le haq. Jazakum Allah khair, salam alaykum wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أخانا عبد الله 15. جزاك الله خير يعني tu as le souffle ما شاء الله فهمت ما شاء الله tu as le souffle tu peux tenir comme ça. Vous ne voyez pas سبحان الله العظيم. Je suis avec le micro tout à fait en haut. نعم. Tu vois pas Aiden tu as un problème dans le salon نعم. Tu as un problème dans le salon ou bien un problème dans tes yeux. Tu me vois pas. Ou bien il te faut des lunettes. Ou bien il te faut sortir et rentrer. Sortir et rentrer, c'est mieux que les lunettes. Femme. C'est pas cher et alhamdoulilah. Donc, Abdullah Jazakallahu Khairan. Femme pour ce rappel. Naam. Car les gens maintenant, sont vite trompés. Sont vite trompés par les gens lorsqu'ils entendent que, par exemple, il est en train de parler avec les versets, ou bien il est en train de parler avec les hadiths, ou bien il se fait appeler Bukhari, ou bien il se fait appeler Nawawi, ou bien il se fait appeler Salafi du 32, Salafi du 56, c'est comme ça. Là, il dit classe. Il s'est appelé Salafi, hein? Il s'est appelé Bukhari, il s'est appelé Ibn Taymiyyah, classe. Ça veut dire que celui-là, c'est un grand savant. Non. Ensuite, ils se disent, subhanallah, ils parlent avec les versets. Ils disent les versets, ils citent les versets, ils citent les hadiths. Non? Et comme tu viens de dire toi, et il oublie que le shaitan lui-même non, a appris à Abu Huraira qu'avant de dormir, il faut lire Ayat al-Kursi. Donc le shaitan lui-même connaît Ayat al-Kursi. Le shaitan connaît Ayat al-Kursi. Ça veut dire que puisqu'il connaît Ayat al-Kursi, ce n'est pas un shaitan? Non. C'est pour ça que des gens qui connaissent le Coran mais qui t'induisent en erreur, qui connaissent les hadiths et qui t'induisent en erreur. C'est pour ça que avant d'écouter à quelqu'un, il faut savoir qui est ce quelqu'un. Non, qui est ce quelqu'un et qui nous a dit de l'écouter, qui nous a permis de l'écouter. Maintenant, d'après ce que disaient tout à l'heure les frères, si ça s'avère vrai, il y a un frère qui Minhaj, ça fait pas longtemps. Maintenant, s'il est devenu tkfiri, reste à vérifier. C'est que vraiment, yani, les cœurs sont un peu virés. D'un instant à l'autre, une personne peut virer à 160 degrés. Nam, elle était à gauche, elle va tout à fait à droite. Nam, et comme ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Nam. De toute façon, je vérifierai très bientôt. Naam. Si... Non, pas le Wajiz. Quelqu'un qui s'appelle Beydawi. Non, quelqu'un qui s'appelle le Beydawi. Abdallah 15, le Wajiz, tu le connais toi le Wajiz? Ah, ils t'ont dit toi aussi, Abdallah 15, hein? Ils t'ont dit. Non, le Wajiz c'est un takfir, il est connu. Le Wajiz c'est un takfir, il est connu. Non, même les gens de France sont en train de faire des mises en garde contre lui. Il prend les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen et il te dit voilà, Cheikh Ibn Uthaymeen t'a dit. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit. Naam. Ils disent ce qu'a dit dans l'audio qu'ils ont. Ils disent pas ce qu'il a dit dans d'autres choses. Ils te ramènent une audio, il a dit ça. En général, naam. Mais ils te ramènent pas les autres audios où Cheikh a parlé en particulier. Ils te ramènent pas les livres où Cheikh a bien expliqué ce qu'il voulait dire. C'est lui qui a prêché le Beydawi, il a retourné le cerveau. Naam. De toute façon, si le Beydawi, je sais pas qui, s'il était vraiment dans le minhaj, son cerveau ne peut pas retourner. Naam. Quelqu'un qui est vraiment dans le minhaj, jamais il ne change. Et jamais il ne peut être altéré ou influencé. C'est comme une montagne. Une montagne, naam, car jamais, jamais, au grand jamais, une montagne ne peut changer de direction. La montagne, elle est toujours à sa place. S'il y a une montagne devant tel endroit, tu vas toujours à tel endroit, tu vas trouver la montagne. Elle n'a jamais bougé, elle ne s'est jamais déplacée. Quelqu'un qui est dans le minhaj, qui a connu le minhaj, et la lumière est rentrée dans son cœur, la lumière de la sunna est rentrée dans son cœur, la lumière du minhaj est rentrée dans son cœur, c'est lui qui influe sur les gens. Jamais il n'est influé. C'est lui qui influe sur les gens. C'est comme ça le haqq. Le haqq, la vérité. La vérité, c'est toujours elle qui domine et qui fait abdiquer le faux. Non, mais qui fait abdiquer la bid'a. Elle la fait fléchir. Non. Tfadl, Abdallah, tfadl. Tfadl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqoul lak cheikh, barakallahu fik. Sadaqt. Yani, toute personne qui dérive, ça veut dire qu'elle n'était pas sur le haqq, elle n'était pas sur l'ikhlas, elle n'était pas sur une bonne voie, c'est-à-dire qu'elle n'était pas convaincue au début. Mais ce que je veux dire, Cheikh Al-Fadl, Zakallah Khair, un exemple de ce frère Al-Wajiz. Même avant, je ne connais pas le Baydawi. Baydawi, je ne connais pas. Je connais frère Al-Wajiz. Avant, Cheikh Al, quand il est venu dans le salon, je lui ai fait des nasihas avant. Il voulait toujours taquiner les gens, il voulait toujours faire des débats avec des gens, et il me fait rappeler la parole de Salaf qui disait « Man akhtar al-jidal, akhtar al-tanakul ». Yani ça se voit que chaque fois il rentre, quand lui prétendait qu'il était sur le manhaj salafi, chaque fois il rentre, il taquine les gens. Cette personne, il aime d'écrire, cette personne fait ça, cette personne fait ça, cette personne fait ça, il veut faire le débat alors que lui n'a même pas l'ilm, Cheikhna. Donc, Yani une soi-disant des causes, hein, c'est ça, qallat al-ilm, qallat al-ikhlas, et le fait de fréquenter ces gens. Le fait de fréquenter ces gens. Alors, Cheikh, pour vous dire la vérité, j'étais pas étonné. Alors, je connais pas le Baydawi, mais le frère Al-Wajiz, alors je le connais, insan ammi, jahil, min awam al-nas, min a'am al-awam, jahil. Idha daraja قبل البارح أو البارح دخل قال الحقوما يا الفخار يا أما يا شيخ كي كفر تارك الصلاة. alors que c'est un jahil, il savait pas que par exemple la majorité des chiites au Saoudi font takfir ou tarik al-salat. un exemple pour vous dire il a mana jahil هذا الرجل. donc شيخنا أنا pour vous dire la vérité صلى الله التبات. لكن je suis pas vraiment surpris. أنا pour vous dire la vérité je le dis. Je le dis, je le connais, chaque fois qu'il rentre dans le salon, il avait des problèmes avec les frères. Chaque fois que je suis admin, il y a toujours des problèmes avec les frères. Celui-là m'a bancé, je lui ai fait. Avec les frères, c'est la vie. Il taquine toujours les frères. Donc, il n'était pas dans le salon pour comprendre, il était pour autre chose qu'Allah le sait. C'est pour ça qu'il n'est pas resté sur le ménage salafi. Quelqu'un qui n'est pas convaincu, quelqu'un qui se base pas sur l'ilm et sur l'ikhlas, bien sûr, il va se promener. Salaf disait, celui qui fait beaucoup de polémiques Il polémique avec ce groupe, polémique avec ce... il va se déplacer. C'est-à-dire, je veux dire, d'un groupe à un autre. Donc, pour vous dire la vérité, Cheikh, Allah tabat lana, ou Allah n'y a dit, mais pour vous dire la vérité, l'homme n'y a qu'un ach, mutamakken, fi d'din, ou mutamakken, fi d'minhaj, ou mutamakken, hatta fi l'ura, hatta, يعني اندهش ما اندهش صراحة أنا رأيت من كان أعلم منه وزاغت قدميه كما قال الشيخ مقبل رحمه الله لما سئل عن أحد الدعاة في بريطانيا اسمه أبو العالية قالوا أينك أنت من أبو العالية أبو العالية رحمه الله الذي زلت قدميه قديما مع العلماء وهو عالم العلماء أنت لا شيء فهذا أقل منه درجة شيخنا بارك الله فيك لكن la cause que je vois qui a ramené ses frères à changer le minhaj ou l'aïd billah, c'est comme je vous avais dit, qallatul ikhlas, la sincérité, qallatul ilm, et le fait de polychimie avec ces gens, et de fréquenter ces gens, et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fréquenter des gens 40 jours, yani vous serez comme eux, vous avez, ou bien ils vont changer, ou bien vous allez changer. Al-mar'u ala dini khalili, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A'tada shaykh, t'fadda. Pour cette nasiha, c'est comme tu as dit, quiconque n'est pas sincère et quiconque yani, ne veut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que il faut pas trop rentrer dans les fitnas, il faut pas trop côtoyer les gens, il faut pas côtoyer les gens de la bida, il faut pas ceci, quiconque ne veut pas suivre les préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va finir dans la bida, il va finir dans l'égarement et il va finir yani, avidé et humilié. Et maintenant les gens ont trouvé que rentrer dans le takfir c'est un commerce mashallah lucratif. Masha'Allah, c'est très facile. Quand tu rentres dans le takfir, les gens n'ont pas d'ilm. Les gens n'ont pas de science. Donc, tu peux vite ouvrir un salon et faire des doros. Naam. Mais je te défie. Si tu peux ouvrir un salon et faire des doros dans le minhaj et la sunna sahiha, si tu n'as pas de science. C'est très difficile. Tu dis un mot, on te dit arrête. C'est faux, c'est ceci, c'est cela. Naam, c'est pas comme ça. Les ulama, alors c'est très difficile pour toi de faire un dars. Mais si tu veux faire un dars et des cours et donner des cours aux gens sans que personne ne te corrige, parle dans le takfir. Du matin au soir, dis-leur, il faut nier le tarout. Allah Ta'ala a dit celui et les trois versets. Toi, tu as trois versets dans le Coran. Répète ça du matin au soir. Alhamdulillah. Les gens vont être ébahis de toi. Ils vont dire, Masha'Allah. Il a la science. Il connaît trois versets, celui-là, Masha'Allah. Il a beaucoup de science. Trois versets. Du matin au soir, Kof Betarot, Kof Betarot, Kof Betarot. Mais, si tu veux parler dans autre chose, tu ne pourras pas. Car tu ne sais que cela. Non. Mais viens parler dans la Aqida. Viens apprendre aux gens le din. Viens leur apprendre le minhaj. Viens leur apprendre le fiqh. Viens leur apprendre le mirat. Viens leur apprendre ceci. Il ne pourra pas. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pour ça que le takfir maintenant, c'est une mode. C'est une mode et c'est une, comme j'ai dit, c'est un commerce, mashallah. C'est très facile. Tu ouvres un salon et tu parles du matin au soir, at-takfir, at-takfir, at-takfir, tarot, tarot, tarot, tu montres les vidéos, naam, tu montres des vidéos où les gens en train de tuer, en train de pleurer, en train de tirer, en train d'assassiner. Et alhamdoulilah, c'est ça l'islam. Alhamdoulilah, c'est très facile. Avant d'oublier, inshallah ta'ala, le hadith que tu as cité des 40 jours, le hadith des 40 jours n'est pas un hadith authentique. Le hadith de Man Ashara Qawman Arba'ina Yawman n'est pas un hadith authentique. Tayyib, taklam fi al-hafm, nas'al al-umur. Naam, naam. Justement, eux, qu'est-ce qu'ils font les takfiriyoun pour attirer les gens? Jazakallah khair. Que font les takfiriyoun pour attirer les gens? Ils se basent sur les sentiments. Ils se basent sur les sentiments. Ils te montrent des vidéos, naam. Et ils te font des anachid, naam, et ils te disent, naam, comment se fait-il que s'ils étaient Ils disent que s'ils étaient musulmans, comment se fait-il qu'ils jettent les gens en prison? Ils ont tué nos sœurs, ils ont fait la zine avec nos sœurs, ils ont fait cela, ils sont en train d'égorger, ils sont en train de ceci, nous on est en train de dormir, nous ceci. Il va te travailler sur les sentiments. Tu vas dire, subhanallah l'adim, donc je ne suis pas musulman moi, je n'ai pas la raïra, je n'ai pas la jalousie, je suis en train de dormir moi, mes frères sont en train d'être tués, en train d'être assassinés, on fait la zina sur ma sœur, on fait la zina sur ma mère, c'est haram, qu'est-ce que je fais là? Naam, et voilà, il t'a touché dans les sentiments. Et voilà, tu commences à pleurer, tu commences à sentir que quoi? Que toute la responsabilité est sur ton dos, tu n'as rien fait pour l'islam. Demain tu vas rencontrer Allah Ta'ala, il va te poser des questions sur ces choses là ils vont te responsabiliser, ils vont te faire croire que c'est toi le grand responsable de ce qui se passe. Et entre parenthèses, tu oublieras une chose importante, ou alors deux choses. Laquelle? La première, c'est que Allah Ta'ala t'a créé pour le tawhid. Ceux-là ne t'ont pas appris le tawhid. Naam, ne t'ont pas appris le tawhid. Deuxièmement, tu oublieras une chose très très très importante, laquelle? C'est que aucune personne de celles qui sont en train de te parler du djihad ne part faire le djihad. Aucune personne de celles qui sont derrière le micro en train de te jouer sur les sentiments et de te dire ils sont en train de tuer, ils sont en train d'assassiner, viens on va faire le djihad. Aucune personne de celle-là ne va faire le djihad. Aucune. Impossible. C'est juste, comme je disais, c'est juste de la comédie. C'est juste, j'ai rien à faire, je vais ouvrir un salon pour attirer les gens et leur jouer sur les sentiments. Et peut-être, et ce n'est pas étonnant, que beaucoup de ceux-là sont payés eux-mêmes par la sécurité. Eux-mêmes, beaucoup d'eux sont payés par la sécurité pour faire des choses pareilles. Et pour parler dans ces domaines, il a été prouvé en Algérie que, par exemple, la plupart des têtes des takfiriyins étaient payées par la sécurité militaire. Tout le monde sait cela. Tout le monde sait que toutes les grandes têtes du takfir en Algérie, de Chabboté et à je ne sais pas qui, et chaque fois il y a une nouvelle tête qui sort, c'était des gens de la sécurité. Tout le monde sait cela. Naam. Et si on revenait vers l'arrière, toutes les grandes têtes du takfir sont sortis des casernes de la sécurité militaire. Tout le monde sait cela. Naam. Donc, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, naam, qu'il vous aide à apprendre le vrai din, à apprendre le minhaj, le vrai minhaj. Naam. Ni le takfiri, ni le chi'i, ni le habashi, ni le soufi, ni le khouani, ni le tabliri, le vrai minhaj. Naam. Le vrai minhaj. Le firqa najiya. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque est sur le même chemin dont je suis moi. Naam, dont je suis moi et mes compagnons. Alors quiconque Allah Ta'ala l'a aidé pour qu'il soit dans ce sentier, alors qu'il fasse beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il reste sur ce sentier. Car les gens changent. Naam, les cœurs changent. Et les gens, naam, se déplacent, comme a dit le frère tout à l'heure, se déplacent d'une secte à une autre. Alors faites beaucoup de doigts pour rester dans ce que vous êtes. Naam. Et pour rester dans ce que vous êtes, vous devez prendre les causes. Et l'une des plus grandes causes, c'est de faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous laisser sur le vrai chemin. Et la deuxième cause, c'est quoi? La deuxième cause, c'est de ne pas se mêler à ces gens. Ce n'est pas je vais rentrer dans leur salon, ensuite je vais dire pourquoi je suis devenu comme eux. Naam, si tu rentres dans leur salon, le virus va t'attaquer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, naam, de rentrer dans des gens où il y a la maladie. Le hadith, il est dans le Bukhari. Et le hadith très très connu qu'on doit fuir, naam, on doit fuir du lépreux comme on fuit d'un lion. Et le hadith du Bukhari, qu'on ne doit pas faire entrer une personne saine chez une personne qui est malade d'une maladie contagieuse, même si dans notre cœur on sait que c'est pas la maladie qui contamine, ça vient d'Allah Azza wa Jal, mais la maladie seulement un sabab. Alors maintenant, s'il est interdit de s'asseoir avec un malade qui a une maladie contagieuse, comment se fait-il qu'on s'assoit avec un takfiri et un habash et un soufi, un tabliri? Ensuite on dit pourquoi yani, j'ai des doutes, pourquoi j'ai des ambiguïtés, pourquoi j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est ta faute. C'est toi qui as voulu tomber malade. C'est toi qui as voulu être contaminé. Naam. De toute façon, naam, il est 2h du matin ici. Je dois, inshallah ta'ala, arrêter. Abdullah 15, je te donne la dernière chose à dire, inshallah. Je te donne la dernière chose à dire. Naam. Moi, de ma part, je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, après-demain. Et je t'attends, Abdullah ta'ala, que tu termines. Je dis, subhanak allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل عبد الله كمل دون سو سونس واختم ان شاء الله. طيب شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك. والله شيخنا يعني ما ذكرته كان فيه الخير. فكم للشيخ عدي الحديد من عاشر قوم 40 يوما حديث ضعيف جلسه في باب. فبارك الله في الشيخ جلدي ان شاء الله كل حديثي ضعيف للشيخ عدي كل حديثي ضعيف ما جلسه في باب. من السونس يعني كيف بدير le fait de fréquenter des gens, le sens, même le sens est bien, mais le hadith daif. On ne doit pas dire que le Messie il l'a dit. Sinon, on sera dans le châtiment yom al-qiyama. On qala ma lam aqul, fallait tabawwa maq'adahu min nafa. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Pour ce qui concerne, ikhwan jazakum Allah khair, ces gens, le frère me parle d'il y a des cassettes, etc. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené des gens qui étaient des étudiants du Cheikh lui-même. Le Cheikh Rahimahullah, Rahmatan Wasi, Ibn Utamim, Cheikh Ibn Baz, Gayrim. Donc, Alhamdulillah, nous on sait. Si nous on sait que ces Cheikhs ils ont kafir, ces Hukam, on n'aurait jamais caché ça. Jamais. On n'aurait dû jamais cacher ça. Abadan, Ikhwan. Abadan. Parce que le fait de cacher ça, c'est le fait de cacher du ilm et le fait de mentir sur ses ulama. Mais ce que je veux dire, que ces gens, comme toujours, ils découpent les paroles de ces ulama ou bien ils prennent des paroles généralisées et ils essayent de les appliquer sur des individus. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que c'est étonnant de voir des gens, des imbéciles, des idiots, des ignorants, comme ça, qui pensent, qui croient que chaque fois les savants disent que celui qui fait ça est un mécréant, ça veut dire toute personne en elle-même qui le fait est une mécréante, sans passer par les conditions et les barrières et les, de takfir. Donc, même si dans ce cas, moi je n'ai pas un frère qui me dit ça. En plus, Zakam Allah, nous on sait que ces chiites n'ont jamais rendu ces gouverneurs kuffar, comme ça, comme ces gens croient. Qu'ils ramènent leur enregistrement ou ils ramènent ce qu'ils veulent. Barakallah. Et si je le trouve chez Khana, je te promets, Inch'Allah, je le prends dans un salon et je le parle et qu'ils ramènent ce qu'ils veulent. Alhamdulillah. Moi aussi j'ai des enregistrements de Cheikh lui-même et je sais ce qu'il va ramener parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Alhamdulillah, c'est quelque chose de qu'on a déjà vu, entendu tout ça de ces gens. Ou bien comme Cheikh Salih, docteur Salih rahimahullah, il a dit, ou bien il ment. Ils enlèvent des choses, des paroles, hein? Ou bien, carrément, ou bien, ils donnent une interprétation des paroles du Cheikh, où le Cheikh n'a pas voulu dire. C'est connu, alhamdoulilah, ça, alhamdoulilah, on est déjà parti. Je dis ça, Cheikhna, au frère, qui me parle au PV, parce qu'il dit, oh, il est préparé, il a des cassettes, il me dit, alhamdoulilah, takhaf, le haqq ablaj, le haqq est connu. Le haqq est unique. Alhamdulillah. Moi je vous dis, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans les années 90, qu'ils étaient pires que ces années, ils ont posé une question directe au Cheikh, rahimahullah. Il dit, ah Cheikh, et je termine avec ça, Inch'Allah. juste pour enlever cette choubha, ya Cheikhana, barakallah fik. Il dit, ya Cheikh, les gens qui kaffar al-hukam en Algérie, vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh? Il dit, oulaika hum warathatul khawarij. Ces gens sont les héritiers des khawarij. Et regarde, la fatwa c'était au temps où l'Algérie était pire qu'aujourd'hui. Et les gouverneurs étaient pires qu'aujourd'hui. Et malgré ça, Cheikh a dit que les gens qui auront ces gouverneurs koufars sont les héritiers des khawarij. Et je vous promets, Ikhwan, que ces gens qui font sortir les gens de l'islam, ils ne savent même pas la définition de l'islam. Wallahi, j'ai rencontré plusieurs frères, yani face à face ou bien par talk, qui parlent sur le hukam, et je leur pose des questions simples, comme « Arif l'islam », wallahi, ils ne savaient pas. C'est quoi la définition de l'islam? Yani c'est facile pour eux de faire sortir des gens de l'islam. Et en plus, ce Louadjiz et ce Baïdawi, s'ils rendent les hukam kuffar, il est obligé du point qu'il les rend kuffar parce qu'il légifre et parce qu'il juge par des lois autres que les lois d'Allah Azzawajal, de rendre toute partie islamique qui rentre dans le parlement, qui commence par Ali Belhadj et qui termine par Hamas, parce que Hamas, pour eux, ils sont de Koufa. Alors pourquoi eux, ils défendent Hamas et ils défendent Ali Belhadj? Ils disent, nous, on n'est pas des tekfiris, hardcore tekfiris, des grands tekfiris. Non. Si tu pars du même point, légiférer et juger, c'est quoi la différence entre Hamas et le gouverneur d'aujourd'hui? Il n'y a pas de différence. Hamas, il juge avec les lois que Raïs Arafat a jugé avec. Les groupes islamiques, les partis islamiques qui sont dans le Parlement, alors ils sont tous des koufars d'après eux. Parce qu'ils rentrent dans le Parlement. Ou bien, tu deviens comme les tekfiris, qui kaffarent tout le monde, tout ce qui bouge, et commençons par Ali Belhadj, et terminons par Hamas, il y a même ceux qui kaffarent à Taliban, parce que Taliban, ils ont accepté, avant les lois les Nations Unies, donc, t'es comme eux, ou bien, ces bases, ces qawaïd que vous avez, tu ne peux pas les utiliser sur les gouverneurs et délaisser Hamas et délaisser Ali Belhadj. C'est quoi la déférence? Au contraire, si la déférence, c'est que c'est Hamas et Ali Belhadj, si tu les rends koufar, c'est eux les premiers. Pourquoi? Parce que eux, ils sont sortis au nom d'Allah. Ils sont sortis par le din. D'après eux, ils ont le savoir. Alors que ces gouverneurs, ils n'ont pas le savoir du din. Ils n'ont pas une excuse de djihn. Donc s'il y a quelqu'un qu'on doit le kafar d'après eux, c'est Hamas et Ali Belhadj. Donc pourquoi eux, ils n'auront pas mes crayons? C'est quoi la différence? Juste pour vous dire, comme Allah a dit, et s'il vient d'autre qu'Allah, vous allez voir une contradiction totale. C'est pour ça, leur base, leur qawaïd, quand ils parlent de tekfir, ils ne savent pas le iman, ils ne savent pas l'islam, ils ne savent pas les bases de l'Al-Sunna de Jama'a. C'est pour ça, ils commencent à dire n'importe quoi. Et pour eux, ils ne font pas la différence entre tekfir al-hal, tekfir al-aïn. Ils ne font pas la différence entre tekfir, yani ridda al-mustaqilla ou al-mam. Avec un, ou bien une action, un acte qui peut te ramener vers le tekfir, etc. Moi, je termine ça avec une parole de Cheikh Raïs Havidahullah. Il a dit dans ce domaine, ou bien tu es comme Ahl Sunnati wal Jama'a et tu dis que le hukm li ghayri ma anzal Allah est un est un grand signe, ou bien un kufr asghar, qui peut te ramener vers le kufr akbar, mais il n'est pas un kufr en lui-même. C'est-à-dire que si tu le fais, ça ne te rend pas kafir directement. Ou bien, tu dis que c'est un kufr, et comme ça, tu as la même croyance que al-Khawarij. Maintenant, les frères, il faut qu'ils choisissent. Ou bien, al-Hukm, بغير ما أنزل الله عن ويمان يتن ردة مستقلة تدير سي أن حاكم كل كسوة سو حاكم نجوش با بغا الوضع الله عز وجل إن فا وإن سنت دو فا سي بغاي بس كو سيتان كفر عن ويمان ردة مستقلة ردة انديبندنت أو بيان إل كوا كويونس دو أهل السنة والجماعة كل حكم بغير ما أنزل الله يتن péché comme tous les autres péchés. Ça ne veut pas dire il y a un péché minable, mineur. Non. On ne dit pas, on dit comme Cheikh Badjaj, rahimahullah, il disait dans ses cassettes, dans ses livres, il disait que c'est un crime. Al-hukmu bi ghayri ma anzallah jarimatun shan'a. C'est un crime horrible. Nous, on demande à tous les musulmans qu'ils soient gouverneurs aux légions de la masse, qu'ils jugent par les lois d'Allah Azza wa Jalla. Dans toutes les choses, qu'ils jugent par les lois d'Allah Azza wa Jalla. Et je dis une chose, Cheikhana, Ba'da Idnik, que Allah Azza wa Jalla disait dans le Coran, wa kadhalika nuwalli ba'da al-zalimina ba'da. Wa kadhalika nuwalli بعض الظالمين بعضا. C'est-à-dire Allah il dit que les gens injustes vont gouverner les injustes, les gens qui sont injustes. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, si le peuple est injuste envers lui-même, si le peuple prend ce qui ne l'appartient pas par force, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner du gouverneur qui seront injustes envers lui et qui vont prendre ce qu'il a, ce qu'il appartient par force. L'imam al-Tortoshi rahimahullah disait a'malakum a'ummalakum, c'est-à-dire vos actions sont vos, c'est-à-dire ils sont vos réflexions. Kama takounu يولى عليكم. Les gouverneurs qu'on a aujourd'hui sont une réflexion de nos actions. Ces gouverneurs sont une réflexion de nos actions. Si on veut changer cette réflexion, on doit se changer nous-mêmes. Allah le dit dans le Coran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Il faut que Abdallah Khan change. Et la famille de Abdallah Khan change. Aqim ad-dawla al-islamiyya fi nafsak tuqam lak. Celui qui veut du bien pour lui-même et pour cette umma, qu'il change lui-même par le bien. Ainsi ceux qui sont proches de lui. Et j'ai pas de doute dans mon cœur, parce qu'Allah le dit, que c'est comme ça que le haq et la justice va régner. Mais si le peuple se vole entre eux, si maintenant en Algérie, les gens ne peuvent pas prier sans que leurs souliers et devant eux, on ne mérite pas des gouverneurs pieux. On ne mérite pas des gouverneurs comme Abou Bakr et Omar. Donc on mérite ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Nos gouverneurs sont comme nous. On n'a que nous à blâmer. Abdel Malik ibn Marwan, un gouverneur, il disait au peuple, à son peuple, vous n'êtes pas juste envers nous. Il dit que vous voulez que nous, on soit comme Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum ajma'in. Mais vous, vous ne les suivez pas. en vous-même ou envers nous. C'est comme ça l'hypocrite. Il veut que les gens soient bien, il veut que le gouverneur soit à la hauteur, mais lui, non. Maintenant, Oubled, si tu veux faire sortir une fiche familiale, une fiche individuelle, le frère, le musulman qui est derrière le guichet, il te demande un pourboire, il te demande un rachat pour qu'il te fasse sortir quelque chose qui est déjà payé pour ça. Comment vous voulez qu'Allah Azza wa Jal va nous donner des hukam comme Abu Bakr et Omar? Nous, on n'est pas à la hauteur. Nous, on mérite ce qu'on a. On mérite ce qu'on a. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Essayez de vous échapper vous-même, ainsi aidez vos familles de s'échapper de hell, de Jahannam, al-ayyadu billah. Et ces gens, yani, ils jouent dans la main de ces grands tekfiris, de ces grands gourous de tekfiris. Et ces tekfiris, ils sont dans la main des kuffars eux-mêmes. Qui a aidé Abu Qutada à propager son poison en Algérie? Ce n'est pas les Anglais ici. Abu Qutada a vu des fatwas qui autorisent les gens à tuer les bébés et les femmes, et le gouverneur et le gouvernement anglais n'a rien fait. Ils le savaient. Mais quand ils ont commencé à faire des explosions ici en Londres, il était le premier à mettre en prison. Donc c'est tekfiri, il travaille pour ses koufars. Il veut que l'anarchie règne dans les pays musulmans. Et leurs gourous, eux-mêmes, ils vont une part de ce gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Allah qui le dit. In tansurullah yansurkum. S'ils étaient sur la bonne voie, Allah aurait dû les rendre victorieux. S'ils sont pas, et s'ils n'étaient pas victorieux, ça veut dire qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Qu'ils fassent la tauba, qu'ils reviennent au haqq et qu'ils commencent par eux-mêmes. Eux-mêmes qui sont dans des choubahades, dans leurs croyances. Comme le Cheikh Al-Albani dit, et si combien de personnes en Algérie sachent qu'Allah est sur le trône? Combien de savants on a au bled? Mes frères, Zakoum Allah khair, comme le Cheikh il a dit, même le chiï, il te ramène des versets du Coran pour supporter sa croyance d'Allah. Mais nous, la différence, c'est que on ramène ces versets d'après la compréhension des salafs et l'explication qu'on a dit, la continuité des ulama jusqu'à maintenant, des ulama. C'est ça l'ilm, ikhwan. Barakallahu fikum. Wa sasmihuk shaykhana, jazakallah khair, atalt alaykum. وجزاكم الله خير والله تعالى اعلى واعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك جزاك الله خير شو ديا طول الموند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونلتقي بعد غد ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته